Salut, c'est Mike Lécuyer pour l'émission Blues FR. Salut toutes tous, pour cette nouvelle édition de Blues FR, je vous ai sélectionné trois albums relativement récents, Beau Weevil, Mark Loy et Fred Chapelier. Et ensuite, en fin d'émission, ce ne sera pas la rubrique habituelle d'il y a 10 ans, il y a 20 ans, mais un hommage à deux amis musiciens, Philippe Kerwaux et Guillaume Petit, trop tôt disparus. On commence donc avec l'album de Beau Weevil qui s'appelle A Blessing in Disguise. C'est une autoproduction. Et voici ce qu'en dit Claude Jandin dans Blues Magazine. Beau Weevil, alias Mathieu Fromont, est présent sur le paysage blues depuis 1994. Après plusieurs albums, il a exercé son talent sous plusieurs formules, solo, duo, groupe. Mais voici peut-être un tournant dans sa carrière avec ce nouvel album qui, disons-le tout de suite, puise sa force dans les sons africains et caribéens. Au total, 12 compositions, dont 2 chantées en espagnol. Ils sont 7 musiciens sur l'album. L'armo fait mouche à tous les coups, on sent une belle osmose au sein du groupe. Comme indiqué sur la pochette, nous sommes en plein Afro-Latin Blues, une démonstration de la large palette musicale que Mathieu a à sa disposition. You put me down, girl, you swept me off of my feet. You bet I was a gambler, but I can't stand no cheat. What has he got, girl, he got more than me. Don't, girl, it can't let me be. You've been cheating on, you've been cheating on me. You've been cheating on, cheating on me. You drop me away, girl, such a lack of respect. You broke me down, girl, you got me almost wrecked. I'm down on my knees, girl, I beg you to stay. Too many tears, girl, I had to wipe away. You've been. Sur le site Blues Again, Christian Casoni évoque ce nouveau disque de Beau Weevil. Mathieu Fromont à la ville, Beau Weevil à la scène, est une centrale photovoltaïque à maturation lente. Il lui aura fallu 17 ans de réflexion pour produire ce disque. Le temps d'emmagasiner toute l'énergie solaire qu'il libère ici. Sur la jaquette, Benito le représente dans une posture à la Robert Johnson, que Beau Weevil se délivre du blues et passe à autre chose. Évidemment, A Blessing in Disguise n'est ni un album de musique malienne, ni jamaïcaine, ni latino-américaine. C'est du Beau Weevil, dernière pression à chaud. Les arrangements sont somptueux, longuement mûris par 15 années d'interrogation et 2 années de confinement. On pourrait également évoquer quelques astuces d'enregistrement, le sel secret des albums, comme ces couches d'harmonica qui donnent une illusion d'orgue. Quand on a connu Beau Weevil avant, on peut être déconcerté par ce virage, mais c'est toujours de la belle ouvrage, et par les temps qui courent, un rayon de soleil n'est jamais de trop. But I've gotta go ahead. I've got your nearby shivers from shade. Finding a lullaby with you, I'm not afraid. What's going on? What's going on? I'm a feel better and stronger, but we did last long. Catch me up later, sooner, when I'll be singing up my song. Cloy, on l'avait découvert, enfin pour ma part, au Tremplin Blues sur Seine, il y a pas mal d'années, avec un groupe qui s'appelait les Saligots Élégants. Voici maintenant un album solo, hein, Mark Cloy, nu, N-U-E, entre parenthèses. C'est une autoproduction. Et voici ce qu'en dit Gilles Blampin sur son site Blues Again. La partition est bigarrée, sur des rythmes ondulants entre folk rock et country blues, sans négliger des emballements funky et des écarts gospel, Mark Loy, avec une voix chaude et grave, nous livre un bel album, 11 petites tranches de vie, présentées comme un long instantané de petits moments intimes, de rencontres parfois improbables et, je l'espère, de surprises à venir, dit-il. L'ensemble ne manque pas de charme. Le chant est dynamique et entraînant pour soutenir des textes non dénués d'humour et qui ont du sens. Pour cette création, il s'est entouré d'une formation étoffée de cuivre et a convié quelques invités de marque, compagnons de route de longue date, le regretté Patrick Verbeek, Jean-Yves D'Angelo, Vincent Buchet ou encore Diabolo. Ce n'est jamais fade, plein d'une belle vitalité et de bonnes vibrations. C'est carré, efficace, la production est impeccable. Un jour nouveau dresse la table et le couvert, jusqu'à la nuit, jusqu'au dessert. Ce nouveau jour, nul ne sait s'il sera enfer ou paradis sur cette terre. Je m'improvise, monsieur météo du bonheur, promets soleil jusqu'à plus d'heure. Quand soudain, en chemin, réapparaissent démons et malins. Putain, putain, putain, putain de blues, lunettes à l'abri de tout ce qui bouge. Putain, putain, putain, putain de blues, je vois les bleus, voilà que je vois rouge. Le monde est grand, on s'y brûle souvent les yeux au regard d'une boule de feu. D'où que l'on vienne, la route est longue, mon cousin, du premier homme jusqu'à demain. Chacun y va de sa chanson dès le matin, fermez le poing, tendrez la main. Quand soudain, au refrain, réapparaissent démons et malins. Putain, putain, putain, putain de blues, lunettes à l'abri de tout ce qui bouge. Putain, putain, putain, putain de blues, je voyais bleu, voilà que je vois rouge. We'll be right back. Jean-François Converte, sur son site Text, Blog and Rock'n'Roll, nous fait part de son ressenti à propos du disque de Marc Loy. Des textes pour conjurer ces démons et malins qui réapparaissent au matin et apprendre à vivre avec ce putain de blues. On vient de l'entendre d'ailleurs. Musicalement, on est indubitablement outre-Atlantique entre blues, folk, country et bluegrass, avec même quelques touches funky, rhythm and blues, gospel western swing ou parfois une énergie quasi punk. Trois très belles ballades, Nu, Promesse, Que sont devenus nos rêves, complètent ce panel globalement très americana. Aux côtés de Marc Loy, on retrouve entre autres le pianiste Jean-Yves D'Angelo, les harmonicistes de renom Vincent Bucher et Diabolo, et l'album est réalisé par Nico Saran, batteur de Red Beans and Pepper Sauce, qui tient ici également les baguettes. Voici Patrick Verbeek à la guitare sur Le gardien du bar, Marc Loy. Ils s'en viennent frapper à ma porte, la bouche sèche, la langue morte. Rincé par un si long voyage, qu'importe la loi, qu'importe l'âge. Y'a pas que les navires qui s'échouent, y'a les braves gars, y'a les vieux loups. Au doigt la bague, au creux la vague, qu'importe la loi, qu'importe l'âge. Y'a comme un désir de bohème, de faire de leur vie un poème, avant d'en arracher les pages, qu'importe la loi, qu'importe l'âge. Je suis le gardien du bar, jusqu'à preuve du comptoir, j'ai pas pour dire mes pouvoirs. La parole d'un homme, son tant d'histoires à raconter, tant de jurons à inventer, que je dois bien dire à leur décharge, qu'importe la loi, qu'importe l'âge. Je deviens le témoin d'une vie, l'amant, le cocu d'une nuit, j'emporte la vie et le visage, qu'importe la loi, qu'importe l'âge. Y'a de la misère au cul des verres, même en été des faits divers, croustillant, soit dit au passage, qu'importe la loi, qu'importe l'âge. Je suis le gardien du bar, jusqu'à preuve du comptoir, c'est pas pour dire mais pour voir. La parole d'un homme. Lui qui me soulage, qu'importe la loi, qu'importe l'âge. Même si j'écrivais comme Zola, dix tomes n'y suffiraient pas. Je dis ça comme ça, c'est une image, qu'importe la loi, qu'importe l'âge. Dites-moi où faut-il aller pour ne plus être à plaidoyer. Le bien, le mal, les mondes, le sage, qu'importe la loi, qu'importe l'âge. Je suis le gardien du bar, jusqu'à preuve du comptoir, c'est pas pour dire mes pouvoirs. Je suis le gardien du bar, jusqu'à preuve du comptoir, c'est pas pour dire mes pouvoirs. La parole d'un homme est notre histoire. La parole d'un homme est notre histoire. Salut Patrick. Et voici maintenant Fred Chapelier, un autre grand guitariste français, et lui bien vivant d'ailleurs, avec son nouvel album Straight to the Point. Sur le site Paris Move, on nous dit ceci. Avec une dizaine d'albums sous son nom, dont certains en collaboration avec les Américains Neil Black, Tom Principato et Billy Price, sans compter ses collaborations remarquées avec Jacques Dutronc, Bill Doreym ou encore Charlie Faber, Fred s'est pourtant imposé au fil des ans comme le guitariste singer français par excellence. L'un des rares à pouvoir fédérer parmi ses fidèles, puristes du blues, nostalgiques du blues rock des 70s et même une certaine frange du grand public. Composé, enregistré et mixé durant les longs mois du confinement consécutif à la pandémie mondiale, les 12 titres qui le constituent ont fait l'objet d'un soin méticuleux, mais n'en respire pas moins toute l'émotion et la sincérité auxquelles notre homme nous a accoutumés. Blues on my radio. When I'm fixing up my breakfast, I got blues on my radio. That's right. When I'm chilling out on my front porch, I got blues on my radio. Daddy Johnny Clyde, maybe Memphis Minnie, or Buddy Guy. Gotta give me some cocoa, or honey spam, some Johnny Hooker, or Bobby Blue Bland. I don't care if it's old or if it's new. Sam Junior Wells, the wolf be howling. He goes hounds to hell. I don't care, I don't care if it's right or if it's wrong. When my mind in need of healing, you gotta give me some Chicago blues. We'll be right back. Gilles Blampin, sur le site Blues Again, nous parle de Straight to the Point. Il y a le blues, bien sûr, mais aussi le rock et encore la soul et même une touche de funk. Fred Chapelier revient avec son jeu dynamique et plein de fougue, dont la finesse n'est pas exclue. Et puis il y a sa voix chaleureuse dont l'émotion est palpable. Il nous dit « Cette période si particulière m'a fait réfléchir et relativiser un tas de choses. Je me suis dit « Terminer le superflu, si ce doit être mon dernier album, je ne veux rien y mettre d'inutile. Le mot d'ordre est donc « Droit à l'essentiel ». D'où le titre de cet album. Le Champenois n'est pas un solitaire. Pour cette nouvelle production, il a voulu réunir ses vieux camarades pour écrire et composer la majorité des 12 titres de l'album. Une seule reprise, « I've got to use my imagination », popularisée par Gladys Knight and the Pips en 1973. Pour l'épauler en studio, Fred Chapelier s'est entouré de musiciens qu'il côtoie aussi depuis très longtemps. Patrick Baldran, Jérémy Tepper, Guillaume Destarac, Christophe Garot, Michel Gaucher, Pierre D'Angelo, Eric Mullat, Jimmy Brayton, Vic Martin. Une performance qui va donc à l'essentiel grâce à la puissance du groove, alliée à la ferveur du feeling. After all the wrong I've done. Ishwela, avenue de la gare, sur mon sac posé au hasard. Ishwela, avenue de la gare, les yeux vidés, fatigués, l'air hagard, à votre bon cœur, monsieur dame. J'ai mal à l'âme. En 2004, Cap Blues, un trio composé de Philippe Kerouot, Eric Entraigue et Christian Papin, proposaient le CD Bienvenue dans ce monde parfait. Ils avaient été remarqués au tremplin Blues sur scène où ils avaient remporté le prix SACEM pour les meilleurs textes en français. Philippe Kerouot est décédé en avril 2022. C'est pourquoi je passe cet extrait. Et puis, je vous passe aussi maintenant un extrait de son disque en solo qu'il a publié en 2019 sous le titre « Blues Stories ». Ce sont des classiques du blues qu'il se plaît à jouer, à chanter, à faire revivre à sa manière, sans en changer la mélodie, accompagnée de ses guitares, dans l'esprit roots du vrai blues. Comme il le dit sur sa pochette, « Tout ce que je joue n'est qu'émotion et sincérité. Bon vent à Philippe, nous ne t'oublierons pas grâce à la musique. Well, death don't have no mercy in this town. Well, death don't have no mercy in this town. In this town. It will come to your house. It won't be long. You look in the kitchen and your mother's gone. The devil don't have no mercy this time. Un autre décès est survenu en ce mois d'avril 2022. C'est celui de Guillaume Petite, un pianiste-chanteur qui habitait la région parisienne et qui, ces dernières années, était parti prendre une retraite bien méritée à Marseille, où il continuait à faire quand même quelques bœufs dans les clubs et quelques salles de concert. Il avait publié un album sur le label Bluesiac en 2013, qui s'appelle « Des hauts et des bas ». Il avait joué avec énormément de musiciens, soit avec son groupe Blues Connection, soit en vieux routier de la scène blues et rhythm and blues nationale et internationale. Il a accompagné aussi bien des artistes français comme Benoît Blueboy, Patrick Verbeek ou Jacques Higelin, mais aussi des Américains comme Marva White, Otis Grant, etc., etc. Alors je vous propose de redécouvrir deux extraits de son album « Des hauts et des bas ». Tout d'abord, un extrait de « Aimer comme ça ». Je me croyais prêt à tout, je sais pas ce qui arrive tout à coup. Eh baby, si j'irai jusqu'au bout. L'amour qui fait tourner la tête, j'en avais oublié le goût. Et pourquoi c'est si bon après tout. Aimer comme ça, aimer comme ça. Je vais tenter ma chance encore une fois. Aimer comme ça, aimer comme ça. Je crois que je vais tenter ma chance. Essayer avec toi. Tous les jours séquence, soir où je t'ai pris dans mes bras. Et tu vois, un bonheur comme ça. Ça vous efface toutes les souffrances et toutes les angoisses. Mais pourquoi tout ça pour juste un baiser de toi. Aimer comme ça, aimer comme ça. Je vais tenter ma chance. Aimer comme ça, aimer comme ça. Moi je vais tenter ma chance, essayer avec toi. Toujours avec le pianiste-chanteur décédé Guillaume Petite, Voici Froid dehors et son magnifique piano d'introduction. Allez, on ne va pas se priver d'un troisième extrait de son album « Des hauts et des bas » paru chez Blousiac. Voici Mardi Gras à la Nouvelle-Orléans. Oui, Guillaume Petit était un spécialiste du piano boogie, du piano bastringue. Je veux aller à New Orleans, un jour seulement en mettre le roi et toutes les reines de New Orleans viendront le soir danser pour moi. Moi je veux aller à New Orleans, je veux être là-bas pour le Mardi Gras. L'alligator à la trompette, au saxophone le poisson chat, au tibitina c'est la fête et le professeur n'en revient pas. Moi je veux aller en Louisiana, je veux aller voir ce qui se passe là-bas. conclusion de cette émission, hommage à Philippe Kerouot et Guillaume Petit, voici un extrait d'une de mes chansons, La vie est une belle putain, où Guillaume m'avait fait l'amabilité de venir jouer sur quelques titres de mes derniers disques. Salut Philippe, salut Guillaume. J'ai mal au cou, j'ai mal au genou, j'suis pas un génie, j'suis plus ingénu, mais la vie est une belle putain que j'embrasse chaque matin. J'ai mal aux tempes, j'ai mal aux dents, j'ai pris une trempe avec le temps, mais la vie est une belle putain que j'embrasse chaque matin. C'était l'émission Blues FR. Bonsoir.